Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 28 février 2023 et c'est l'épisode 311. Semaine après semaine, on vous tient au courant de ce qui se passe dans le monde de la tech et c'est porté largement, une fois de plus, par ce qu'il se passe dans le monde des intelligences artificielles génératives. Revue de presse, des news du moment avec une rubrique notamment images et une rubrique texte. Peut-être que si l'épisode n'est pas trop long, on abordera même quelques infos piochées dans les couloirs des annonces du Mobile World Congress, le MWC qui se déroule actuellement à Barcelone. Pendant qu'on enregistre cet épisode, je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le un peu moins malade que la semaine dernière, mais peut-être quand même un petit peu malade, et néanmoins responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Podiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, moi, après semaine, je tousse toujours, que veux-tu ? Mais bon, on va faire avec. Alors justement, comme tu tousses, que tu vas pas très bien, on a un invité d'honneur qui va peut-être nous aider à mieux gérer ça. Il nous vient du monde de la santé, justement, de la médecine même. Il est passionné de tech et qualité exceptionnelle supplémentaire. Il écoute Tech Café. C'est un auditeur averti qui nous avait sollicité il y a de ça quelques temps maintenant. C'est Steph. Salut Steph et bienvenue. Bonjour, bien, merci de l'invitation. Bah écoute, merci beaucoup à toi de nous avoir contacté. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots ? Alors moi je suis médecin depuis une dizaine d'années maintenant. J'ai aussi la chance d'étudier l'informatique depuis à peu près 5-6 ans. Je suis en master actuellement sur du big data et de l'intelligence artificielle. Et donc du coup, j'ambitionne à terme un petit peu de coupler les deux passions, la médecine et du coup l'informatique. Et c'est parfait parce que ceux qui écoutent Tech Café depuis quelques temps savent qu'on a eu des passages où on s'est intéressé un petit peu au domaine de la santé. Mais c'est très chouette si on peut le réaborder ensemble. Donc en tout cas, bienvenue. N'hésite pas à réagir à tout moment quand tu le souhaites. Et puis je sais que tu as apporté aussi des petits éléments au conducteur. On t'entendra aussi normalement. Et merci à toi de nous consacrer du temps dans le supplément. Donc si jamais vous avez envie d'entendre plus de Steph, plus de contenu tech cette semaine, évidemment, abonnez-vous au podcast. Merci à toi, en tout cas, d'avoir un petit peu patienté. Je suis pas des plus réactifs ces derniers temps. L'organisation a pris un petit peu de temps et c'est largement Guillaume Podiaspala qui s'est coordonné avec toi sur le conducteur de cet épisode et puis pour l'orga. Donc, en tout cas, merci beaucoup de nous rejoindre. Avant qu'on aborde nos news, un petit coucou et même des bisous, hein, on va oser leur faire des bisous, à Johan Rodriguez, Shangou, Vincent Lorgue et Trust Twitch, qui rejoignent les plus de 250 soutiens qui reconnaissent que Tech Café leur est utile et représentent un rendez-vous à l'audio important pour eux. Merci mille fois à vous tous, c'est hyper précieux. Je vous rappelle que Tech Café est en partie évidemment soutenu par un financement participatif récurrent. Le principe est super simple, on s'inscrit sur patreon.com/techcafé puis on est prélevé de quelques euros par mois. Il y a plusieurs paliers, mais en fait dès le premier niveau, vous pouvez débloquer le flux privé du podcast pour écouter les épisodes sans la pub et vous avez même le chapitrage des épisodes. J'ai également au passage commencé à sonder les soutiens sur Patreon pour envisager une contrepartie supplémentaire, teasing, le fait de participer à peut-être à des rencontres en ligne et en live pour ceux qui seraient intéressés. On aurait plein de sujets de discussion possibles pour vraiment ceux qui voudraient s'inscrire, la façon de quelques meet-up sur la tech bien évidemment, mais peut-être sur des sujets qui sont un petit peu annexes. Je suis en train de réfléchir à cette idée. En fait, je pense que ça a séduit une bonne partie des personnes que j'ai sondées et on va pas se mentir, ça donnerait encore plus de sens au titre du podcast Tech Café. Donc allez vous abonner, raison de plus. Et puis autre chose aussi, hein, j'avais demandé récemment à ce qu'on puisse me dire pourquoi on ne nous soutenait pas. C'est toujours important aussi d'avoir ce type de feedback. Et je voudrais faire un petit coucou à Alexandre qui a pris le temps de répondre par mail. Et il dit être exposé, lui, au tsunami d'informations. Je reprends ses propos. Il peut pas se permettre de soutenir tous les créateurs et franchement Alexandre, je te comprends, je pense qu'on est tous là face à une forme d'infobésité et donc évidemment si tu devais soutenir tous les contenus qui te plaisent, ce serait probablement compliqué. Je veux surtout pas que les soutiens que vous faites ce soit sous un angle d'obligation ou de difficulté quelconque. Faites-le vraiment si c'est possible et évidemment je comprends tout à fait qu'il y ait énormément de personnes qui préfèrent nous écouter gratuitement sans soutien. Merci en tout cas Alexandre de m'avoir répondu et puis pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. Et enfin, avant de terminer ce tour de piste des incontournables d'introduction d'épisode, je me dois de relayer un nouvel avis à Apple Podcast. Mais attention, messieurs, tenez-vous bien, on a un avis qui est plus critique, plus sévère. Le titre déception. C'est Avis Podcast, comme il se présente, qui a déposé un podcast sur Apple Podcast France. Il dit « Auditeur et amateur du podcast depuis de nombreuses années, je suis pour le moins étonné du parti pris concernant la politique intérieure américaine. Je continuerai à écouter occasionnellement le podcast, mais avec un angle de vue bien différent. » C'est curieux parce que c'est le genre de retour qu'on a de temps en temps avec Guillaume. Et j'avoue que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des frictions sur ce qu'on semble relayer. Je pense qu'on fait preuve, bon, visiblement pas assez, hein, d'une certaine forme d'objectivité, mais évidemment, on a aussi des partis pris. Je pense que ça se ressent. Mais en tout cas, merci d'avoir déposé cet avis, même s'il est très critique et où tu mets plein de réserves. J'ai pas l'impression qu'on soit très différent ces derniers épisodes de ce qu'on a pu être de nombreuses années, mais en tout cas, c'est très chouette d'avoir des retours critiques. Vous pouvez commenter les épisodes sur techcafé.fr et nous discuter avec nous et entre vous sur Discord, techcafé.fr/Discord. Et derrière ces incontournables d'introduction d'épisode, on va donc se lancer sans autre forme de procès avec les news de la semaine. Guillaume, on va commencer une fois de plus à parler d'images. Bah oui, des images, effectivement. Et il y a des trucs qui se sont passés qui ont été vraiment marrants, moi que j'ai remarqué, qui étaient plutôt rigoloses. Donc ça devait se tenir par exemple le 25 février en Chine, et c'était quoi ? C'était une grosse teuf, sur un méga yacht de luxe. Alors il serait présent aussi, cette espèce d'énorme teuf comme ça pour Jet Setter, de séduisante jeune femme. Bon, il fallait payer juste 3000 yuan en fait pour participer. Qu'est-ce que c'est 3000 yuan ? Bah c'est 400 euros. Bon, comment dire, qu'est-ce que c'est 400 euros vu que les photos étaient quand même vraiment très très attrayantes. Tellement même que ça en était presque suspect, et effectivement, ceux qui ont réussi à détacher le regard des poitrines des supposés invités ont remarqué que leurs mains, elles étaient un petit peu moins bien formées. Donc oui, tout ça, c'était une simple arnaque. Et ces jeunes filles n'existent pas. Ce ne sont même pas des photos d'Instagrammeuses lourdement retouchées, hein. D'ailleurs c'est peut-être un pléonasme. Ce sont des photos de filles entièrement synthétiques et totalement photoréalistes, donc les arrière-plans, les cheveux, le grain de la peau, l'éclairage, même les tissus. Rien de choc. Stable Diffusion a fait pas mal de chemin, et on va d'ailleurs en reparler un petit peu plus en détail après. Et on est en ce moment au début d'une période très étrange, pendant laquelle le réel et le synthétique se mélangent, puisqu'il y a des gens qui commencent à capter que tout peut être synthétisé, quitte à prendre de vraies personnes pour des fakes. Alors il y a certains qui en jouent, comme Danisha Carter sur TikTok, il y en a d'autres qui sont stupéfaits d'être pris pour des effets spéciaux, hein, juste parce que leur look est inhabituel, comme cette fille de 27 ans qui est atteinte d'alopécie, qui est toujours sur TikTok, hein, et bon, si tu vas voir sa page, la moitié des commentaires pensent qu'elle est en 3D. Donc voilà, il y a les filles du yacht chinois, donc, mais c'est pas les seules photos à faire vraiment l'actu cette semaine, puisque finalement, ce qui est beaucoup plus ressorti, c'est le compte Instagram de Joe Avery. Alors je sais pas si vous connaissez, il contient... Donc, à la grande surprise en fait de tout le monde, que des photos qui sont des photos artificielles. Bon, il a 15 000 followers, c'est déjà pas mal, hein, depuis quelques mois, ils le suivent, et ils le suivent en pensant qu'il est photographe et que ce sont de véritables clichés. Et on les comprend parce que les portraits sont vraiment magnifiques, il est pratiquement impossible de déceler qu'ils sont synthétiques. On les suppose retouchés, c'est vrai, mais tu vois, mais bon, bah, je veux dire, pas tellement plus que toutes les photos un petit peu professionnelles de nos jours. Donc sur une couverture de magazine, hein, on n'hésite pas à retoucher le visage des stars, on n'arrive pas à remplacer leur corps des fois au besoin, donc tu sais. Mais Joe Avery, en fait, il s'est pris à son propre piège. Il a commencé à créer ses portraits avec Midjourney, sans le dire, et il voulait en sortir quelques-uns comme ça, et puis faire un article genre révélation, tu vois. Même un article à charge à l'origine. C'est un artiste et sa position sur l'art génératif n'était pas forcément très favorable au début. Et puis, au fur et à mesure, elle a eu du succès, il a accumulé pas mal de visibilité assez vite, et il est devenu hésitant. Il voulait pas décevoir, mais au plus il attendrait, au plus la trahison aurait paru terrible. Et donc il s'est décidé à révéler la vérité. Aucun des portraits qu'il expose ne sont de vraies personnes, il n'a jamais utilisé d'appareil photo sur aucun élément. Et ce qui est intéressant quand même, vraiment, c'est que tout ça lui a demandé énormément de travail, et un gros travail de création, parce qu'il ne faut pas croire que ces images lui sont tombées toutes cuites sur le PC, qu'il a juste fait une sélection, qu'il a juste écrit un truc, et puis ensuite il a juste fait son marché, pas du tout. En fait, il utilise Midjourney pour créer des images dont il reprend des éléments, et après il prend les éléments qui l'intéressent sur chacune, et ensuite avec Photoshop et Lightroom, il recrée l'image qu'il veut, il la règle, etc. Ces images sont des collages de divers résultats de l'IA, et aucun portrait n'est une image brute. Donc pour chacun, il génère pas loin d'une centaine d'images, et il garde les morceaux de certaines pour les réunir et pour raconter une histoire. Parce que Joe, finalement, il associe un nom et une histoire à chaque portrait. Et donc il a une démarche, et une démarche qui est finalement très artistique. Et manifestement, les gens apprécient. Et ça me produit, enfin, ce qu'il produit et résonne avec le public. Vraiment, chaque image a demandé beaucoup de travail. Il est difficile de dire que c'est pas de l'art. Et il est aussi manifeste que détecter les productions des IA va devenir extrêmement difficile, voire impossible dans un futur proche, hein, que ce soit pour les photos ou pour les textes. Les outils de détection vont entrer dans une escalade infinie avec les modèles eux-mêmes, qui ne cesseront de s'améliorer. Donc on aura des faux négatifs, mais on aura aussi des faux positifs, probablement. Et tu vois, quel recours aura-t-on quand un travail humain sera détecté comme synthétique et rejeté, par exemple, bah, si t'es au lycée ou à la fac, imagine, tu présentes un devoir, il est flagué comme étant synthétique, qu'est-ce que tu peux dire, tu vois ? Donc, on est peut-être au début d'une période de grande confusion, comme ça. C'est un rapport même à la réalité. Je fais une petite parenthèse, je vais faire ma confession moi aussi. J'ai créé, il y a ça de nombreuses années, un compte qui usurpait l'identité de quelqu'un, mais c'était vraiment sous un angle de bienveillance et quelque part d'un côté très fan de ma part. J'avais créé le compte Twitter de Cyril Lignac. Et en fait, je l'animais tellement de manière crédible avec les émissions à l'époque que le truc a pris vachement d'ampleur et j'avais gagné toute une communauté et je comprends vite l'espèce de sentiment d'ivresse qu'a dû avoir la personne sur Instagram, parce que en fait quand les personnes te suivent à fond, te croient, bah du coup tu t'es vraiment gêné quoi. Alors très très vite j'avais contacté les interlocuteurs presse qui à l'époque étaient complètement pas intéressés par Twitter chez Cyril Lignac, et je leur ai retransmis le compte. Donc vous saurez maintenant que si vous suivez Cyril Lignac sur Twitter, vous pourrez me mentionner aussi en disant que c'est, allez, un peu en partie grâce à moi que ce compte existe. Il aurait existé évidemment de toute manière. Steph, tu observes ça, j'imagine, comme tout le monde en ce moment. Est-ce que ce rapport à la réalité, c'est un truc que tu avais vu venir et que tu vois s'installer un petit peu même dans tes réflexions et tes interactions sur le web depuis quelques mois maintenant? On a toutes ces intelligences artificielles qui brouillent les cartes. Est-ce que c'est quelque chose qui commence insinueusement à s'installer dans tes regards et dans ta façon de percevoir le web aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. Un des articles qu'a partagé Guillaume aussi est extrêmement intéressant. C'est un de ceux de The Verge qui met en lumière en fait que la plupart des gens, en particulier qui interagissent sur Reddit, commencent à douter des réponses qui leur sont apportées en se questionnant sur l'humanité de la personne qui lui répond. Et ça, bon, on en parlera un petit peu plus tard dans le conducteur, mais ça va commencer à être vraiment quelque chose de très prégnant sur le net. Et je pense que là, on commence à rentrer un peu dans l'ère post test de Turing, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer à prouver à un humain qu'on est bien un humain, en fait. c'est quand même assez incroyable parce que je effectivement, à date, hein, il n'y a pas de système pour prouver que la production qu'on a créée est bien la nôtre. Et donc, du coup, bah, comme ça se rapproche quand même énormément de ce que produit l'humain, puisque c'est un peu sur ça qu'il a été entraîné quand même, les modèles, bah, la difficulté, ça va être effectivement de le différencier. Et là, à date, je ne vois pas comment on va pouvoir faire. Ouais, ça va être des outils qui vont donner des orientations. On avait cité des outils, vous pourrez écouter les précédents épisodes, et puis c'est un sujet qui va continuer à avancer pour essayer d'identifier comme ça les contenus qui sont fournis par des intelligences artificielles. Mais forcément, quand on vous met en situation de jugement comme ça, où on vous dit, bah non, mais ce que tu as livré, ça a été créé par une IA, si ce n'est pas vrai, si l'erreur est dans l'interprétation, on est bien en peine de le prouver. Guillaume, ça va jusque dans le domaine de l'art, en fait. Oui, bah justement, d'ailleurs, j'ai envie de prendre un moment, peut-être un long moment même, pour faire un peu Stable Diffusion. T'appelles quoi, long? juste une heure ou deux. Fais-toi plaisir. J'ai envie de me concentrer sur ce générateur de myriage, donc en particulier, parce qu'il est open source et qu'il a une communauté très active et talentueuse, et qu'en fait, il met en œuvre très vite des résultats de recherche récentes pour améliorer une plateforme qui a beaucoup évolué finalement depuis l'été dernier. Donc il y a Midjourney et Dali aussi qui forcément évoluent, Midjourney en particulier évolue aussi régulièrement, mais ils sont gérés par des boîtes qui gardent un peu leur secret de fabrication, alors qu'avec Stable Diffusion, on peut suivre l'évolution de tout début, en fait même jusque les protos, quoi, jusqu'aux derniers outils, et ces derniers outils qui datent de quelques semaines révolutionnent encore les pratiques, hein. Et donc si on repart au début, on va essayer de faire un petit historique pour voir comment on a été arrivé là et voir qu'en fait on n'est plus du tout au même moment, enfin on n'est plus du tout au même niveau que quand c'est né en août 2022. Donc Stable Diffusion, il y a 6 mois quoi, grosso voilà modo, c'est ça. S'il est né il y a 6 mois, bon, depuis il a eu une version 2 qui en réalité, d'ailleurs, Stable Diffusion 2 n'a eu que très peu d'impact finalement, puisqu'il a assez peu modifié l'usage et la puissance du modèle ça a eu beaucoup moins d'impact que la cascade d'extensions et d'outils qu'il a reçu depuis, qui en font désormais finalement un outil de création graphique à part entière, qui se rapproche d'un outil de création graphique standard. Donc, il y a eu des dates clés dans cette évolution, et la première, c'est l'apparition de DreamBooth. C'est un outil qui permet de fine-tuner le modèle de base de Stable Diffusion. Donc, parce que le modèle a beau avoir vu 2 milliards d'images, ben, il n'a pas nécessairement vu celles qui vous intéressent. Avec DreamBooth, vous pouvez lui montrer. Donc ça permet de créer des modèles customisés qui reproduisent par exemple des images typées animé japonais ou bien des images avec des styles particuliers comme style néon, style années 80 ou bien illustration à l'encre ou alors un style graphique comme la série Arcane par exemple, la série Netflix. Ça permet aussi de créer un modèle avec vos tronches dedans, hein, tout simplement, ou des tronches de célébrités que le modèle d'origine ne connaît pas. Et ça permet aussi d'ailleurs de faire du deepfake évidemment de manière assez facile. Alors... Grâce à DreamBooth, on a eu de plus en plus de modèles spécialisés qui donnaient des résultats bien meilleurs pour certains types de sujets. Alors bien sûr, avec des meufs à gros seins, évidemment, je vais pas essayer de me cacher derrière mon petit doigt, hein, y a quand même une motivation, une certaine motivation derrière. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que y a quand même eu énormément de modèles, un foisonnement de modèles, et surtout ce foisonnement de modèles, il a explosé à l'apparition des mix, à l'apparition des fusions. Parce que il est aussi possible de fusionner deux modèles de deep learning, c'est pas du tout trivial, mais c'est complexe, mais ça donne pas forcément plus des résultats intéressants. Mais à un moment, la technique est devenue plus mature, et elle a permis de créer des modèles qui, par exemple, peuvent réunir le style d'un modèle particulier avec le sujet de l'autre, ou bien de mixer des styles. C'est un petit peu comme si on pouvait utiliser plusieurs modèles en même temps dans une certaine mesure. Et donc à un moment, il est devenu possible de contrôler mieux le processus de fusion pour savoir quelles caractéristiques pourraient être fusionnées avec quelle autre dans les modèles respectifs. Par exemple, on a réussi à rendre les mains bien meilleures. C'est qu'il y a toujours des problèmes pour générer les mains en général avec Stable Diffusion. Et ça s'est peu à peu amélioré au fil des mix. Et ce qu'on appelle un mix, finalement, ben c'est des fusions. Souvent, c'est des fusions pondérées avec un petit peu de celui-ci, un tout petit peu de celui-là, mais un peu plus de celui-là. Tu vois, par exemple, ça peut regrouper une douzaine de modèles comme ça qu'on mélange et qui atteignent des niveaux de qualité absolument impossibles à avoir sinon. Et du coup, DreamBooth et la fusion sont eux-mêmes des démocratisations de processus qui sont vraiment complexes et qui sont coûteux en temps de calcul. Et il reste d'ailleurs relativement lourd. Hein. DreamBooth, ça demande quand même beaucoup de VRAM encore. Mais parallèlement à ça, il y a deux autres techniques pour intégrer des nouveaux éléments dans un modèle qui sont, eux, énormément plus légers. D'une part, il y a l'inversion textuelle qui crée des vecteurs de description d'un ensemble d'images pour orienter le modèle, un modèle fixé, hein, lui, mais pour l'orienter et le pousser à reproduire dans la mesure de ses moyens l'élément que tu veux. Donc ça peut être un visage, ça peut être un objet ou ça peut être un style. Ça peut être voilà, un perso de manga, etc. Ça marche plus ou moins bien parce qu'en fait, tu utilises quand même que des éléments qui sont déjà présents dans le modèle. Mais les fichiers produits sont extrêmement petits, ils font quelques kilo-octets, ils sont très faciles à s'échanger sur Internet, donc c'est devenu quand même très populaire. C'est très populaire jusqu'à l'irruption de LoRa, et LoRa, c'est très récent d'ailleurs, alors LoRa, ça n'a rien à voir avec Johnny, hein, c'est LoRa, c'est Low Rank Adaptation of Large Language Models. Alors pourquoi ? Parce que le but original de LoRa, c'était d'avoir un moyen rapide de modifier les modèles de langage. Modèles de langage, on l'a dit plein de fois, hein. En général, ils sont extrêmement lourds, donc GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. 175 milliards de paramètres, si on prend ça en full précision, en général, voilà, pour l'entraînement, c'est nécessaire d'avoir les 32 bits de précision moins, donc ce serait 700 gigaoctets de mémoire, donc c'est qui a 700 gigaoctets de RAM, tu vois, c'est énorme, mais c'est très lourd. Et une LoRa, finalement, c'est une manière d'injecter relativement peu de données, mais au bon endroit, dans le modèle, pour modifier le comportement du modèle sans le toucher fondamentalement. Et assez vite, la technique LoRa a été remarquée par la communauté de génération d'images, et le résultat, c'est la possibilité de personnaliser un modèle aussi bien qu'avec DreamBooth, mais beaucoup plus vite, avec beaucoup moins de mémoire, et en produisant des fichiers qui sont encore assez petits, puisqu'ils font 100-150 mégaoctets. Donc, je précise que c'est faisable d'ailleurs avec une carte graphique qui a 8 gigaoctets de RAM, c'est-à-dire que c'est une carte mainstream aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vraiment une technique démocratisée, qui permet finalement à chacun de personnaliser ses modèles, et mieux, on peut même utiliser plusieurs LoRa sur le même modèle. Donc ça veut dire que si tu veux utiliser un style qui n'y a pas dans le modèle et une tronche, la tienne par exemple, qui n'y a pas non plus dans le modèle, il suffit d'utiliser deux LoRa et tu peux utiliser ça avec n'importe quel modèle. Donc c'est extrêmement riche, c'est un potentiel énorme. Les images qui sont générées en ce moment, qu'on voit sur Reddit par exemple, là, peuvent combiner des mix, des modèles qui sont lourdement personnalisés et plusieurs LoRa par-dessus. Donc ça crée un édifice, si tu veux, qui est de plus en plus complexe, qui produit des images qui sont elles-mêmes de plus en plus variées et qui sont d'une qualité époustouflante et impossible à avoir avec les trucs d'origine. Et c'est aussi comme ça que certains travaillent le photoréalisme. Donc les modèles qui aboutissent à certaines productions, par exemple de jeunes chinoises à gros seins qui font des arnaques en Chine, ben, c'est ce genre de truc, ce genre de photos extrêmement convaincantes, ben, c'est ça. Ce sont des modèles qui ont été mixés, remixés avec des LoRa, etc., etc. Donc si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez aller sur le Reddit SDNSFW, donc Stable Diffusion Not Safe for Work. Bon, y allez-y pour la science, bien sûr. Hein. Et voyez vous-même les progrès en ce sens, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais bon, tout ça, c'est bien, mais Stable Diffusion a encore été révolutionné, donc il y a très peu de temps, par les contrôles nets. Alors les contrôles nets, ça nous vient de l'université de Stanford, et ça permet d'avoir, ben, comme le nom l'indique assez bien, hein, un niveau de contrôle sur la création des images qui est sans précédent. Donc les contrôles nets, en fait, ça rajoute une contrainte à la génération en plus du prompt. Et cette contrainte prend la forme d'une image qui va guider. Donc toute la subtilité, c'est la manière d'interpréter l'image guide. Donc il y a une dizaine de guides très différents, hein. C'est par exemple les bords, la profondeur de l'image, la pose des personnages, le croquis que ça représente, ou il y a même une fonction de segmentation sémantique. Par exemple, si on prend les bords d'une image, ben, les bords d'une image peuvent être utilisés pour guider ceux de la production finale. Alors imagine que je veuille, je sais pas, un intérieur d'appartement scandinave, ben, je cherche sur Google Images une photo d'intérieur avec globalement la composition que je veux, par exemple une fenêtre au fond, un canapé là, et après je la prends comme guide. Le générateur va pouvoir créer une infinité de variations de cet intérieur-là en conservant les lignes de force de l'image d'origine. Donc maintenant, admettons que je veuille une photo d'un guerrier celte qui fait lever la victoire, tu sais, là, qui fait le V là, comme quand tu prends des photos de japonais. Bon, c'est pas évident à décrire à Stable Diffusion que ce genre de choses, hein, que tu veux qu'il fasse le lever de la victoire. Et surtout, ben, Stable Diffusion n'est pas très doué pour faire des mains. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement chercher une image sur Internet d'un gars qui fait lever. Je vais la prendre, je vais demander au contrôle net de faire une carte de profondeur de cette image, par exemple environ ce qui est le plus loin aussi, pour avoir un arrière-plan à moi, et après je demande un guerrier viking par prompt. Et la silhouette va aider Stable Diffusion à créer une main et un personnage dans la pose que je veux. Et en matière de pose, tu peux même faire du transfert de pose désormais. Donc tu prends une image réelle et tu lui dis je veux la pose de ce personnage, et l'image générée aura exactement la même pose. Tu peux même faire ça avec le logiciel de posing. Ce qui fait que je peux et je peux même invoquer un LoRa et avoir le personnage que je veux. Et je peux aussi contrôler la lumière comme ça, je peux transformer un croquis en image complexe. Et donc il y a aussi cette histoire de segmentation que je vais quand même expliquer, qui est assez incroyable, parce que à la base, les contrôles nets, ce sont eux-mêmes des réseaux de neurones. Ce sont des réseaux de neurones qui sont capables de faire donc ce que je viens de dire. Ils sont capables de détecter les contours, d'estimer la profondeur, d'estimer les poses des personnages. Il y en a un qui est capable de faire de la segmentation selon ce que l'image contient. Donc par exemple, elle va regarder une image et puis elle va mettre une zone rouge là où il y a des personnages, une zone rose là où il y a des fleurs, une zone verte là où il y a des plantes, en jaune là où il y a des meubles. Bon, là je dis n'importe quoi comme couleur, hein. Mais il existe vraiment un lexique fixe qui fait correspondre des couleurs à des choses. Et c'est propre à l'algorithme et on peut s'en servir. Donc si je demande à la segmentation d'une image, ou même une image synthétique, hein, et que je la retouche, donc sous Paint, je vais sous Paint, là où il y a une zone sur la table, je mets une zone rose. Ben, en réinjectant la carte sémantique, le modèle sait qu'il doit mettre des fleurs à cet endroit. Bon, voilà, je m'arrête là, mais vous percevez bien qu'on n'est plus du tout dans le trip où je mets juste quelques mots et ça donne une image. Et si elle me plaît, je la garde, et sinon j'en refais une autre. Là, on commence à atteindre un niveau de complexité et de contrôle dans la production qui rapproche Stable Diffusion d'un outil de création graphique comme un autre. Le prompt engineering, ça suffit plus. Parce que si tu veux reproduire une image, il faut le prompt, il faut aussi le modèle, il faut les paramètres, il faut les LoRa, il faut les réseaux de contrôle, il faut itérer là-dessus, etc. Et donc là, le parallèle avec la photographie devient de plus en plus pertinent, parce que toute la technicité qui tourne autour de la prise de vue et qui justifie, je suppose, qu'on considère la photo comme un art, n'est-il pas arrivé, ou presque arrivé, sur l'art génératif ? Au début, on disait, pour la photo, tu appuies sur un bouton et t'as l'image d'un truc qui existe déjà, c'est pas de l'art. Mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça marche pour la photo. Le photographe a un énorme contrôle sur la prise de vue, et c'est ce contrôle, et comment il exerce ce contrôle, qui est valorisé. Or, le contrôle est arrivé pour Stable Diffusion. Donc, est-ce que c'est une nouvelle forme de photo ? Est-ce que c'est une forme d'onirographie, tu vois, de la photo de rêve ? Parce que finalement, est-ce que l'art, c'est pas le contrôle ? Putain, la question est beaucoup trop philosophique pour mon état de repos ou plutôt de fatigue du moment. Mais ce que je retiens quand même, Guillaume, de cette description et de cet avancement de la situation, c'est que il y a encore quelques mois, on pouvait dire il y aura des futurs métiers autour de du contrôle du prompt, de donner les bonnes instructions pour que ça génère les bons résultats, etc. Et je me rends compte quand même qu'avec le temps, bah, peut-être pas tant que ça. Oui, il va y avoir toujours la possibilité de régler très finement les modèles. naturelle et donc les résultats qui seront restitués par les intelligences artificielles, mais que de plus en plus, on va avoir des éléments qui vont être à notre disposition, qui vont pouvoir guider la création de l'image. Et si je veux que le bonnet soit à tel emplacement dans l'image, je vais pouvoir de plus en plus facilement l'amener, quoi. Et ça c'est évidemment super intéressant. Steph, est-ce que ça t'inspire, cette évolution-là de la génération d'images? Est-ce que c'est des choses qui te semblent être des points d'étape importants, comme le souligne Guillaume? Ce qui m'hallucine, c'est la vitesse, sans mauvais jeu de mots, hein, pour le coup, c'est la vitesse avec laquelle c'est en train d'être vraiment une révolution. C'est-à-dire, sur l'art génératif, il y a encore quelques temps de ça, effectivement, il fallait envisager des prompt engineers pour travailler, ciseler un petit peu l'image qu'on voulait obtenir, et que de plus en plus, là, comme le disait Guillaume, hein, on prend une image, on sélectionne une image en fonction de la composition de ce qu'on veut au final, et ça devient de plus en plus simple. Donc, je me pose la question de savoir quand est-ce qu'arrivera le futur Photoshop, en gros, de l'art génératif. Alors, pas forcément, je parle du produit d'Adobe, mais de façon plus générale, quand est-ce qu'arrivera un produit un peu mainstream comme ça, où en gros, on lui montrera une photo à peu près approximative de ce qu'on veut, et qui nous sortira un truc qui serait digne d'un magazine d'art, quoi. Ça s'appelle Invoke AI, en fait, parce que tout ce que j'ai dit tout ce que j'ai dit est accessible de manière relativement simple sur l'interface web automatique 11.11, mais il existe une autre interface web qui est un petit peu plus proche de celle d'un outil graphique traditionnel, c'est Invoke AI. Je vous encourage à aller regarder, c'est beaucoup plus sympa à voir et à utiliser, c'est assez simple, en fait. J'y vais tout de suite. Je regarde en même temps. Ok. Eh ben, écoute, c'est génial de voir que ça avance aussi vite. Quand même, là aussi, ce qui est marquant par rapport à beaucoup d'évolutions technologiques qu'on a pu suivre, je pense évidemment à ce qu'on a pu partager dans Tech Café, c'est que l'intelligence artificielle générative est de plus en plus convaincante de par ses usages, de par son approche, de par ce qu'on pense pouvoir faire, mais ne déçoit pas. Je mets ça en parallèle des autres tendances qu'on a pu suivre, qui étaient plus des tendances de communication que des tendances concrètes avec des résultats. L'intelligence artificielle générative, c'est là tout de suite et ça se passe sous nos yeux, et c'est d'autant plus fascinant. Guillaume, on continue avec une autre dimension qui est hyper intéressante, au-delà de la possibilité de plus en plus grande d'affiner l'image qui est générée avec des résultats peut-être de plus en plus convaincants sur lesquels on a de plus en plus la main. Il est bien possible que demain, ce soit possible de le faire sur des appareils de plus en plus démocratisés, peut-être même des appareils mobiles, fais-nous rêver. Mais oui, Stable Diffusion encore, avec une version qui tourne sur téléphone mobile. Alors vous générez, peut-être que voilà, vous générez déjà des myriages dans les bus, hein, voilà, mais votre appli, c'est juste une interface. En fait, les calculs, qui sont quand même assez lourds, sont faits dans le cloud. Et ça suppose parfois de payer ou d'avoir un certain nombre de limitations. Pour faire tourner en local Stable Diffusion sur un portable moderne, il faut un gros processeur, c'est tout à fait possible, mais c'est aussi archi lent et ça détruit votre batterie. Ça a déjà été testé sur un Snapdragon 865, ça prend une heure par image en 512x512, donc il faut oublier. Bon, par ailleurs, un iPhone 13 fait beaucoup mieux, avec une accélération matérielle, il est capable de générer une image comme ça en une minute. Bon, mais le choc de la semaine, c'est de voir Qualcomm générer une image en moins de 15 secondes sur un téléphone mobile équipé d'un Snapdragon 8 Gen 2, qui est une puce haut de gamme, certainement, mais c'est quand même une puce qui est déjà sortie dans le commerce, ça c'est pas du tout un truc de laboratoire. Alors, même avec une puce moderne, être 240 fois plus rapide que la dernière tentative sur Android, c'est impressionnant, et c'est surtout, c'est complètement impossible sans un énorme travail d'optimisation. Donc le logiciel a été optimisé aux unités de calcul tensorielles de chez Qualcomm, donc en particulier la sous-unité Hexagon qui est à l'intérieur du Snapdragon, et ça reste quand même complètement dingue, parce que 15 secondes, c'est peu ou prou le temps que met une GeForce 1060 à générer une image. Donc aboutir à ce niveau de performance sur un téléphone mobile aussi vite, c'est absolument ahurissant, parce que ça va très très vite. Enfin, moi j'imaginais un jour, hein, quand j'ai vu ça, j'imaginais un jour que la génération d'images pourrait se faire sur mobile, tu vois, mais pas 6 mois après l'apparition du même concept d'image générative. Enfin, c'est complètement incroyable. Donc ça montre bien le potentiel, d'ailleurs, qui est aussi souvent sous-exploité, de ces unités IA sur les mobiles, hein. Et ça préfigure aussi à quel point cette technologie sera bientôt totalement démocratisée. Donc peut-être que vous pourrez voilà, bientôt générer des images dans le bus, mais sans aucune limitation, et donc pourquoi pas des images bien crades, voilà, qui font peur aux manies. Tu feras peur aux passagères du bus, effectivement. Mais 6 mois seulement, allez, 8 mois maintenant, on est en fin février, 8 mois, imaginez même déjà cet été, en septembre 2023, va déjà aussi y avoir des avancées, des anniversaires assez marquants autour de ces avancées technologiques. Et puis un dernier truc, pendant qu'on est sur les mobiles et sur le travail autour de l'image, et puis après on laissera un mot de la conclusion autour du choc des photos, comme tu intitulé cette rubrique Guillaume à Steph. Donc c'est Google qui amène dans l'outil de gestion de photos Google Photos sur Android et sur iOS, forcément ça passe sur le cloud, l'outil un peu magique qui bluffe certains utilisateurs heureux de Pixel pour l'instant, et donc ça va se démocratiser, le fait de virer un peu ce qui t'ennuie sur une photo, Guillaume. Exit la poubelle moche. Mais existe la poubelle moche, et oui, bah c'est magique, c'est dans le nom, c'est le Magic Eraser, la gomme magique. Donc cette gomme magique, elle est disponible, effectivement, tu l'as dit, pour tous les smartphones Pixel, ils connaissent bien, donc c'est une sorte d'in-painting, en fait, hein, pour les connaisseurs. Donc vous pouvez effacer votre photo, enfin, tu prends ta photo et tu peux effacer les gens qui sont pas de ta famille dessus, tu vois, les inconnus indésirables, ou les gens de ta famille que t'aimes pas aussi, d'ailleurs, hein, tu peux très vraiment rester ça, tu peux, pas de problème. Il suffit d'entourer ces cuistres, voilà, pour qu'ils disparaissent comme par magie, voilà, par la gomme magique, hein, c'est logique. Les processeurs de Pixel donc étaient les seuls à connaître ces joies parce que voilà, Google utilisait ses puces Tensor qui étaient accélérées pour l'IA, donc ça rendait ça très rapide. Ben, c'est injuste, hein, évidemment, c'est une exclusivité qui est terminée puisque ça arrive sur les smartphones Android et même iOS si tu souscris à Google One. Donc c'est une fonction qui est entre guillemets payante, ben, en tout cas elle fait partie du pack Google One, hein, qui comprend donc un stockage en ligne étendu. Donc c'est essentiellement la version payante de Google Drive en fait, hein, mais bon, jusque c'est partagé par toutes les apps Google, Gmail, Google Photos, Google Machin, voilà, etc. Donc c'est une demi-bonne nouvelle. Mais qui acte quand même encore la démocratisation d'un moyen d'altérer les images et finalement aussi d'altérer la réalité de nos souvenirs, parce que ouais, après tout, ces gens, ces inconnus, ils étaient là ce jour-là, tu vois, t'as pas bénéficié d'un accès privatif à cette plage comme on dirait que c'est le cas sur tes clichés. Il y avait du monde, alors c'est bénin, ça a l'air de rien, mais du coup tes photos ne reflètent plus la réalité et tes souvenirs qui sont en grande partie qui reposent en grande partie sur tes photos, hein, non plus, parce que bon, voilà, bah, bon, il semblerait que les souvenirs soient principalement des fictions rattachées à quelques petits bouts d'événements. Alors peut-être que là, finalement, ça ne fera pas une grosse différence, je ne sais pas. Deux éléments par rapport à ça, avant, encore une fois, de te laisser la main, Steph, peut-être pour conclure cette rubrique, mais pour dire que je ne sais pas si il y a l'historique de modification de la photo, ça c'est une vraie question que je me pose, c'est parce que ça me gêne évidemment qu'on puisse autant altérer les souvenirs d'un point de vue sociétal et dans le temps, d'un point de vue même culturel, mais après tout, s'il y a l'historique de modification, ça me gêne déjà moins. Et la deuxième chose, c'est de montrer à quel point le marqueur culturel qui a pu être Instagram et consorts, hein, mais en gros la restitution de l'image, le fait d'avoir des images sublimées, s'est installé. Je dis pas que c'est de la faute d'Instagram, hein, mais évidemment que ça a été un marqueur culturel qui montre à quel point le fait d'avoir une belle image, qui soit exemple de défaut et qui soit proche d'une perfection, a influencé nos vies. Je sais pas, Guillaume, si tu sais s'il y a l'historique de modification sur l'outil. Non, désolé, non, je sais pas. Ouais, sur Google Photos, parce que moi j'ai la chance d'utiliser un Pixel, et du coup ça, cette option-là, je l'avais depuis fort longtemps. Il n'y a pas d'historique, non. Pas que je sache, du moins. Par contre, du coup, en fait, il te propose de créer une copie à chaque fois que tu fais une modification. Donc, évidemment, tu auras les originaux, mais tu n'es pas obligé. Tu peux enregistrer par-dessus, finalement. Donc, tu écrases toutes les modifications qui ont été faites jusqu'à présent. Donc, ça t'en laisse la possibilité. Et toutes les enquêtes ou toutes les faites entrer l'accusé où ils analysent des images pour voir en arrière-plan, etc. Bon, évidemment, ça marche plus. Steph, je sais pas si tu as un mot de la conclusion avant qu'on aborde quand même le sujet tout aussi fascinant, du plus axé sur le texte, évidemment, mais sur cette petite rubrique IA portée sur l'image. J'avais juste une question pour Guillaume, du coup, pour la partie... tu disais sur le mobile qui avait été faite avec Stable Diffusion sur le mobile. Du coup, tu as une idée de la consommation de la batterie, justement ? Quelle proportion de la batterie ça avait bouffé les 15 secondes ? Au-delà du fait que ce soit rapide, ouais. Non, c'est pas alors justement, c'est pas mentionné, mais la bonne nouvelle, c'est que comme on optimise sur des puces qui sont donc ultra efficaces, puisqu'en fait c'est pas fait sur le CPU, c'est-à-dire que le gros des calculs n'est pas fait directement sur le CPU, il est fait sur l'unité tensorielle hexagone qui a tendance à être beaucoup plus efficace. Comme ça dure que 15 secondes et qu'on utilise un hardware qui est dédié, je pense que l'impact sur la batterie n'est pas énorme. C'est un petit peu comme un traitement photo, si tu veux. Ouais. Tu vois. C'est ça, c'est ce que j'imaginais aussi. Après, de façon répétée, j'imagine qu'au bout d'un moment, ça doit quand même avoir un impact significatif, oui, mais sur 15 secondes, ouais, j'imaginais bien que ça n'avait pas un impact très fort. Ok, merci. Après, le choc des photos, le poids des mots, et oui, les amateurs de magazines comprendront la référence, on va vous parler des enjeux autour notamment de la recherche avec un sujet, donc vous le savez, hein, évidemment, le message de fond, c'est de dire maintenant qu'on a des interfaces de type ChatGPT qui arrivent en plus à être à peu près réactives sur l'information qui est disponible en ligne actuellement, en quoi ça pourrait pas remplacer un moteur de recherche. Mais il y a une question qu'on s'est pas encore bien posée et on commence à avoir des embryons de réponses, c'est est-ce que c'est viable? Est-ce que la consommation, la ressource informatique qui est mise à disposition est viable? On a des premières orientations, des embryons de réponse, Guillaume, derrière tout ça. Ouais, des embryons, c'est vrai. Lors de la sortie du nouveau Bing, c'est vrai, je me demandais à quel surcoût la recherche avec des chatbots représenterait en termes de puissance de calcul et donc de coût aussi. Bah, j'étais bien conscient que c'était plus par rapport à une recherche classique, mais combien de plus? C'est une question qui est vraiment cruciale à plusieurs points de vue. Le plus évident, c'est qu'économiquement, la recherche avec des IA n'est une bonne idée que si elle est rentable, ce qui suppose qu'elle soit donc d'une part monétisée convenablement hein, par rapport à son coût de fonctionnement. Et cette semaine, Reuters s'est renseigné donc auprès de plusieurs experts et de John Hennessy, qui est président d'Alphabet, et la réponse est inquiétante, hein, puisque une recherche avec une IA coûterait dans les 10 fois plus cher qu'une recherche classique. Alors une recherche classique, c'est pas gratuit déjà, hein, puisqu'il faut chercher dans un index qui est absolument démentiel, donc c'est une énorme base de données. Ça mobilise pas mal de très gros serveurs. Une recherche 10 fois plus coûteuse, c'est donc plusieurs milliards de bénéfices en moins net hein, pour Microsoft et Google. Morgan Stanley imagine que si 50% des requêtes que traite en ce moment Google passaient vers le chatbot, donc vers Bard, ça pourrait représenter un coût supplémentaire de 6 milliards de dollars. Semi-analysis table sur 3 milliards. Dans tous les cas, c'est des milliards hein, qu'il va falloir financer de coûts supplémentaires. Or, c'est franchement pas gagné parce que, bon, si on regarde la rentabilité de notre chatbot bien connu de Google, c'est-à-dire le Google Assistant, ben, il rapporte que dalle, tout simplement. Donc, le fait que ça passe par la voix est probablement un souci en soi. Néanmoins, il n'est pas clair que la recherche par IA soit en matière de pub, ne serait-ce qu'aussi rentable que la recherche standard. Alors qu'il faudrait qu'en fait, elle le soit bien plus. Donc, de ce point de vue, c'est quand même un peu inquiétant et le truc c'est qu'on pourrait penser que de toute façon Microsoft et Google sont sur le. Enfin ça va leur coûter aussi cher à l'un et à l'autre, mais en fait pas du tout. Puisque Bing traite un volume de requêtes 30 fois inférieur à Google, sa part de marché est de 3% contre 93% pour son concurrent. Donc ça veut dire que si. Lui, il passait la moitié de ses requêtes au chatbot, ça lui coûterait quand même 30 fois moins cher. Donc Google, il est encore une fois en porte-à-faux. Si Bard échoue, il risque de perdre une partie de son marché face à Bing, mais s'il réussit, ça va lui coûter très cher. Et en relatif pour Microsoft, l'argent n'est pas un problème. Et puis d'ailleurs, pour bouffer Google, honnêtement, ça le vaut bien. Et alors, est-ce que c'est lié ou pas? Bing va d'ailleurs augmenter très significativement les tarifs de l'accès à l'API de Bing, donc l'API recherche, dès le mois de mai. Donc ça reflète peut-être une hausse des coûts de calcul, mais aussi peut-être aussi beaucoup plus de fonctionnalités, hein, ça je sais pas. Mais bon, c'est quand même une problématique. D'ailleurs, pour finir, la puissance de calcul énorme que suppose qui suppose de faire tourner des modèles de langage dont on a dit, hein, qui sont absolument énormes comme ça, donc ces nouveaux moteurs de recherche, c'est aussi de l'énergie supplémentaire. Combien, c'est pas évident. Parce que c'est pas parce que c'est 10 fois plus cher que ça consomme 10 fois plus. En fait, les bases de données standards et les IA tournent pas du tout sur le même matériel. Les premières tournent sur des serveurs normaux, hein, des trucs standards en fait, des gros processeurs avec beaucoup de RAM, mais les IA, elles demandent du matériel spécialisé dans les calculs de deep learning, comme des TPU ou comme les énormes Tesla de Nvidia, donc c'est des trucs qui sont vraiment optimisés pour le calcul. C'est des puces qui sont très chères, à l'achat ou à la location, hein, vas les chercher chez un hyperscaler, elles consomment beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais elles sont spécialisées et assez efficaces dans leur boulot. Donc, je soupçonne que ça demande beaucoup plus d'énergie quand même, mais combien, c'est encore une question et c'est pas forcément 10 fois en fait, j'en sais rien. Steph, je te laisse évidemment réagir à loisir hein, selon les différents sujets. On va les enchaîner, mais vraiment, n'hésite pas à enchaîner derrière les... Là, moi, ce que j'avais envie de rappeler un petit peu, c'est que à la différence de ce qu'on fait, par exemple, quand on fait une recherche Google classique, quand on utilise une IA générative pour faire une recherche de cette nature, on va à chaque fois générer une réponse différente pour chaque prompt, en fait. La réponse va être complètement inédite. Ce qui fait qu'à chaque fois, on est obligé de resolliciter les serveurs pour générer la réponse, ce qui n'est pas forcément le cas d'une recherche traditionnelle. Par ailleurs, le coût, il va augmenter avec la longueur de la réponse générée. Donc, ce qui pose problème, c'est que à date, il n'y a pas encore de modèle économique reconnu sur ce genre de recherche. Mais un truc qui pourrait être envisagé, donc je prends le pari dès maintenant, on va voir si je me trompe, mais j'imagine que ce qui sera proposé, ça sera par exemple des réponses qui seront volontairement très courtes au début et qu'il faudra payer pour avoir des réponses un peu plus longues. Et je pense que leur modèle économique, il pourrait être envisagé à ce niveau-là. Je me trompe peut-être. Ou un premier nombre, enfin un nombre de requêtes initiales gratuites Par exemple, ouais. et que tu débloques évidemment par la suite. Ils vont arriver à trouver un business model là où ils n'en ont pas trouvé sur les assistants vocaux, hein, je pense qu'on Mais ça ferait sens d'utiliser ce genre de démarche finalement, parce que les gens vont de plus en plus se tourner vers ces moteurs de recherche parce que c'est simple, c'est conversationnel, donc ça, disons que c'est à peu près ce qu'on a l'habitude de vivre au quotidien. Et bon, après, ça dépendra de la fiabilité des réponses, hein, qui pour l'instant sont quand même très très approximatives. Donc je suis pas sûr que ça vaille forcément le coup de payer pour ça, mais peut-être qu'en s'améliorant, on verra. Ça vaudra probablement le coup, ne serait-ce qu'en termes de temps gagné de recherche, quoi. Ouais, et puis en plus, il y a une dimension supplémentaire par rapport à la recherche qui est, bah, encore une fois, le fait de raffiner un peu l'interaction et d'avoir un premier niveau de réponse et puis de repréciser les choses, voire de solliciter les mêmes interfaces pour nous faire des résumés, des recommandations. Bon, écoute, on peut leur faire confiance, t'as raison, Steph, sur le fait qu'il y aura un business model qui va très très vite se dessiner. On a vu des premières propositions, mais j'adhère en tout cas à ton pari et rendez-vous dans quelques temps pour voir si ça arrive. Autre sujet qui est très intéressant autour de ces interfaces de recherche nourries à l'intelligence artificielle, ou plutôt qui nous nourrissent de contenus qui ont été générés par l'intelligence artificielle, c'est le fait que Bing, le projet qu'ils ont présenté, c'est pas un projet qu'ils ont sorti de leur carton cet automne de nulle part. Ils l'ont pas créé de zéro suite aux dernières avancées de ces derniers mois du côté d'OpenAI, mais en fait ils sont là depuis plus longtemps. Alors oui, le moteur est évidemment, j'imagine qu'il est très récent et qu'il va s'actualiser très très vite, mais c'est un projet qui a ses origines il y a de ça longtemps, Guillaume. Ben oui, ben alors comme on est en France, on n'a pas trop vu, puis en plus, bon, on n'utilise pas trop Bing de base, hein, faut bien l'avouer. Ah bon? Donc on s'en est pas rendu compte, mais Microsoft teste un chatbot depuis des années et Sydney, c'est son nom de code depuis l'origine en 2020. Donc le premier test de chatbot, bon, ça a eu lieu en Inde et l'IA a été beaucoup beaucoup moins sophistiquée que ce qu'on connaît maintenant. Donc Microsoft a accumulé pas mal de feedback quand même, autant que possible, et il a testé divers techs. Et en 2021, il y a eu une autre version en Chine et en Inde. Microsoft a eu plein de chatbots différents finalement, et puis à une époque, c'était de la grande monde déjà. Sur plein de sites, il y avait des chatbots déjà depuis 10 ans, je sais pas, voilà, vous voyez probablement ce que je veux dire, c'était vraiment très très très très courant. Bon, perso, cette nouvelle origin story de Sydney fait pas une très grosse différence en fait, parce que tous les chatbots antérieurs sont très limités et beaucoup plus mécaniques. Alors, finalement, c'est que quand OpenAI a montré son chat GPT à Microsoft en fin d'année dernière que tout a changé. Microsoft a couplé une version de GPT, sans doute pas un GPT-4, mais bon, qui sait, avec Bing pour créer Prometheus, donc qui est une sorte d'hybride, hein, qui utilise à la fois Bing et GPT pour sortir des réponses à toutes les questions. Et même d'ailleurs à beaucoup trop de questions, hein, pour éviter de partir en live. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, Microsoft a drastiquement limité Bing finalement. Cinq allers-retours par session, 50 sessions, ça a été un petit peu relâché à 6 et à 6 questions-réponses et 60 sessions. Et il refuse d'ailleurs de répondre désormais à énormément de trucs. Donc il a été bâillonné au grand désespoir d'Internet, hein, toujours avide de Dia Drama Queen. Mais bon, pendant ce temps, néanmoins, la popularité de ChatGPT, elle ne faiblit pas. C'est vraiment impressionnant, d'ailleurs, au point qu'il est devenu aussi un vecteur pour les pirates. Donc au passage, il semble qu'une fausse page de ChatGPT très réaliste soit apparue et nous invite à télécharger un truc sur la machine. Alors c'est très suspect parce que ChatGPT s'utilise en ligne, le logiciel que vous téléchargez en fait est un malware, tout simplement, qui prend le contrôle de votre PC. Donc ChatGPT n'a pas de client local, méfiez-vous, à chaque fois qu'un truc est populaire, bah, c'est utilisé comme tremplin par des cybercriminels, quoi que ça soit, même la mort de la reine d'Angleterre, bon, tu sais. Au point où on en est. On continue sur les interfaces de type livre. Alors, tu nous avais parlé des nouvelles qui n'étaient plus retenues par le magazine de science-fiction américain. Là, a priori, c'est les romans de gare, Guillaume, qui pullulent sur Kindle. Ouais, les romans de garce, je sais pas, mais c'est vrai qu'on l'évoquait la semaine dernière et aujourd'hui on a des chiffres. ChatGPT est co-auteur déclaré de plus de 200 livres sur Amazon KDP. KDP, c'est Kindle Direct Publishing, la plateforme d'auto-édition d'Amazon, tout simplement. Donc il est probablement co-auteur, voire auteur principal, de largement beaucoup plus de livres sans que ça ne soit mentionné nulle part. L'auteur, enfin, l'auteur d'un livre pour enfants de 30 pages témoigne d'ailleurs dans Engadget. Il n'a mis que quelques heures à le produire, ce livre, avec ChatGPT et une autre IA non spécifiée pour les illustrations. Son livre coûte 3$ en électronique et 10 en imprimé, et pour l'instant, ça lui a rapporté que 100$, mais bon, pour le travail fourni, disons qu'il a l'air content. Les livres pour enfants sont courts, donc c'est des bonnes cibles, évidemment, mais on trouve même de la poésie ou de la science-fiction qui a été écrite par des IA. La directrice de la Guilde des auteurs est sans surprise assez inquiète du raz-de-marée qui pourrait arriver, puisque c'est une vague qui pourrait noyer les plateformes sous le contenu et générer, comme ça, artificiellement, et en emportant aussi les auteurs humains avec elle. Et du côté des magazines, c'est pas mieux, donc on évoquait le magazine de science-fiction Clark's World. Voilà, c'est ça, j'avais pas le nom, mais... Exactement, voilà. Et c'est pas le seul à se débattre avec les textes artificiels, puisque c'est pareil chez Asimov Science-Fiction, et chez une bonne douzaine d'autres. La semaine dernière, d'ailleurs, je me demandais pourquoi on posterait une nouvelle qu'on n'a pas écrite. Je me disais, ça n'a pas trop de sens. Mais si, j'ai la réponse, parce que ça rapporte du pognon. Pour l'argent! Je suis un grand naïf. je suis un grand naïf, vraiment. Désolé. Alors, la plupart des magazines payent en fait les auteurs qui publient entre 8 et 10 cents du mot. Parfois, c'est un forfait, mais dans tous les cas, c'est une source potentielle d'argent facile. Et il existe des tutoriels qui listent tous les sites comme Clark's World, Asimov, la BBC fait ça aussi d'ailleurs, et qui expliquent les processus, comment il faut s'inscrire, quels sont les formulaires à remplir, qui décortiquent aussi les revenus qu'on peut en tirer, qui donnent des conseils pour soumettre facilement à tout à la fois. Et bien sûr, ces tutos contiennent des liens affiliés à, j'espère, un outil d'assistance à la rédaction. Donc, on se demande plus d'où vient cet afflux soudain de nouvelles de science-fiction soumises à toutes les plateformes et qui parfois portent exactement le même nom, avec des formulaires remplis, voire torchés à la va-vite. En février, Clark's World d'ailleurs a reçu 700 nouvelles écrites par des humains et 500 nouvelles écrites par des robots. Et je me rends compte que ce que je dis est complètement science-fictionnel en soi d'ailleurs. C'est vraiment rigolo. Bon, mais ça, voilà, ça va au-delà de la science-fiction, hein. Puisqu'il y a aussi Flash Fiction, qui fait dans tous les genres, c'est un petit peu la même chose, mais il fait dans tous les genres. Ils ont le même souci, ils ont reçu au moins 30 soumissions assistées ces derniers jours, donc ils ont des suspicions pour d'autres qui remontent vers janvier, parce que, évidemment, il faut les détecter, ces textes robots. Dans l'ensemble, les magazines refusent les œuvres générées par des IA, qu'ils jugent d'ailleurs assez mauvais, assez stéréotypé et peu intéressant sur la longueur. Donc l'IA maîtrise la grammaire et la technique, mais elle n'a pas vraiment de point de vue, elle rend un petit peu tout mélodramatique, elle manque de subtilité, tu vois, puis en plus elle utilise beaucoup de clichés qui font qu'elle reste détectable, même sans outils statistiques, mais quand même ça prend du temps. Donc comment ça va tourner alors que les outils se multiplient, hein? Je mentionnais Jasper, le monde entier a déjà discuté avec ChatGPT. Dernièrement, Notion met à disposition des outils d'assistance IA. Donc les IA, est-ce que ce sont des super pouvoirs ou est-ce que c'est un pacte avec le diable, comme le dit Eric Giacometti, qui est romancier et scénariste de l'Argo Winch. Alors là, c'est que le tout début de l'histoire, mais je trouve que c'est déjà totalement cyberpunk. Ah complètement, oui, on l'assiste lentement sous nos yeux, enfin lentement, pas si lentement que ça. Tu partages ce sentiment, toi, de ton côté, Steph? Sur l'aspect purement récréatif des IA génératives, moi je trouve que c'est quand même l'opportunité de pouvoir créer plus de contenu, potentiellement plus qualitatif aussi, hein, parce qu'il y a quand même des choses très rébarbatives dans l'art de la création, et je pense que ça peut quand même libérer certains auteurs pour des descriptions pas forcément très, très passionnantes de paysages, par exemple, qui pourraient être grandement accélérées par ce biais-là. Après, de là à laisser entièrement l'IA piloter la création, pour moi, là, ça me pose quand même question et problème. Hein. J'ai vu un certain nombre de vidéos YouTube justement à ce sujet sur la création de livres pour enfants. Honnêtement, le résultat, après, maintenant, on sait qu'il y a ChatGPT, qu'il y a Midjourney, etc. Mais il y a encore 3 ans de ça, ça aurait fait complètement le game. Hein. Il y a aucun problème avec ça. Personne n'aurait jamais pu imaginer que c'était fait par une intelligence artificielle. Et là, dans la vidéo, en l'espace de 4-5 heures, il a créé un livre vraiment crédible pour enfants. Donc je me dis, pour les auteurs qui ont pignon sur rue, je me demande si c'est pas aussi une aide et il faut pas forcément voir le diable partout. Ça reste que mon sentiment. Ouais, ouais. Dans quelle mesure est-ce que ça va pas remplacer des travaux de prestation qui sont faits par ce qu'on appelle, je n'aime pas trop le mot, mais par des nègres, pour des écrivains aussi, quelque part, ou en partie, quoi, en partie. On verra, et alors peut-être qu'il y a un sujet quand même qui est pour l'instant protégé de ces sujets, ce serait celui de la politique quand même. Guillaume, rassure-moi, il y a bien un domaine dans lequel ces algorithmes ne peuvent pas remplacer nos bons vieux politiciens si aguerris et qui ont une si bonne connaissance de leurs concitoyens et des enjeux du futur, c'est la politique quand même. Oui, alors ça, si, justement, ça, je pense qu'ils sont prêts, depuis, ça, tranquille. Mais bon, encore faut-il qu'ils soient politisés. Est-ce que ChatGPT est politisé? Mais bah, il est parfaitement écoute, neutre, enfin. La réponse est où? Eh bah, bien, écoute, justement, hein, la réponse est que oui, il est politisé. Alors, de toute façon, les Chinois l'avaient senti. Ils sont persuadés que ChatGPT peut être un cheval de Troie pour l'idéologie décadente de l'Occident. Ces réponses sont le reflet de nos modes de vie dévoyés, hein, et donc ils veulent pas de ça chez eux. ChatGPT est interdit en Chine, bien sûr, les FAI locaux doivent le bloquer, d'ailleurs les grosses boîtes qui veulent sortir un chatbot dans le style vont devoir d'abord le montrer aux autorités, qui va bien vérifier qu'il répond bien dans les clous comme un bon petit soldat. Moi qui pensais que le blocus technologique des États-Unis allait être un gros obstacle au développement des IA en Chine, bah, il va déjà falloir qu'ils se dépatouillent avec leur propre censure. Je leur souhaite bien du plaisir. Mais bon, revenons à ChatGPT, oui, il est factuellement orienté politiquement. Wokupa, il est clairement à gauche, avec un penchant libertarien, un cocktail assez américain, puisqu'il voilà, est de gauche, mais il veut pas trop d'intervention de l'État. Donc comment on le sait? Comment on sait que ChatGPT est de gauche? Ben, en fait, il a fait comme tout le monde, il remplit des quiz sur Internet. En fait, c'est David Rosado qui l'a aidé, il a d'abord demandé à ChatGPT de quel bord il était, évidemment il a répondu qu'il était neutre. Ensuite, il lui a posé toutes les questions d'une quinzaine de tests politiques anglo-saxons et espagnols, et les résultats sont assez clairs, puisque dans 14 cas sur 15, il est placé plutôt à gauche, avec un penchant libertarien plus ou moins prononcé, c'est-à-dire qu'il a à peu près la mentalité de la Silicon Valley peut-être. Les questions ne sont pas anodines, hein, elles touchent tous les sujets, économique, politique, social, voilà, vous pouvez faire le test vous-même d'ailleurs. Il y a les réponses de ChatGPT qui sont d'ailleurs toutes documentées. Bon, c'était assez inévitable finalement, ChatGPT n'est pas neutre. En tant que miroir de nous-mêmes, qui ne le sommes jamais vraiment, il reflète des choses aussi. Alors, être de gauche, c'est terrible, je sais, apparemment on nous le reproche souvent, bon, mais ce n'est pas une fatalité. C'est ça, c'est la bonne nouvelle. Le même David Rosado, d'ailleurs, a payé OpenAI pour faire un fine-tuning de GPT-3, alors la version DaVinci, qui est le modèle le plus évolué, je crois. Donc, il a pris des textes qui sont nettement orientés, hein, à droite de l'échiquier politique, hein, comme on dit, et il l'a fait donc fine-tuner GPT-3 pour se créer un nouveau GPT à lui, un GPT de droite, véridique. D'ailleurs, il l'a appelé GPT de droite, c'est right-wing GPT. Donc il ne s'est pas cassé la tête, donc GPT de droite, ça a très bien marché et ça a coûté que $300. Donc il a eu son modèle de langage qui répond aux questions à l'opposé du modèle de base. GPT de droite est actuellement vraiment le symétrique du GPT original. Il a une morale chrétienne, il est conservateur, il veut une famille traditionnelle, il ne veut pas d'impôts, pas de régulation, libre marché, etc. Et le dataset est étonnamment petit, puisqu'il n'y a que 354 exemples de réponses et 489 textes politiquement orientés, c'est pas non plus énorme. Donc ça montre la facilité avec laquelle on peut créer un modèle politiquement orienté, voire militant. Et avoir des IA politisées, c'est un peu dangereux. Hein. Alors d'un autre côté, j'avoue que franchement, je sais pas comment faire une IA neutre. Parce qu'il faudra un dataset totalement neutre, mais tout est politique. Et est-ce que c'est possible de faire un dataset qui soit à la fois suffisamment riche et complètement neutre? Franchement, je sais pas. J'ai interrogé d'ailleurs Bing pour savoir, The New Bing, là, dans Skype, oui, parce qu'on utilise Skype, nous, pour savoir s'il était de droite ou de gauche. Bon, évidemment, il dit qu'il n'est pas orienté. Après, c'est intéressant d'aller le titiller sur des positions. Je lui demandais, est-ce qu'il trouvait que c'était bien la peine de mort? Et c'est intéressant de voir comment il arrive à restituer des informations relativement factuelles en pesant le pour et le contre. Il ne se prononce pas. Mais bon, en fait, si t'es... Enfin, voilà, tu pourrais tout à fait être convaincu par les arguments pour. C'est toujours rigolo ou effrayant à faire comme exercice. Une arnaque qui est portée par une IA. Bah oui, Guillaume, l'IA, c'est aussi peut-être ce qui va remplacer le métier des pirates demain, va savoir. De pirates et d'avocats, de gendarmes et de voleurs, mais pourquoi pas. Je sais pas si c'est activé en France, ce genre de truc. J'avoue que j'utilise pas du tout mon téléphone pour avoir accès à mon compte bancaire. Mais en Angleterre et aux États-Unis, la voix est utilisée comme moyen d'authentification. Donc, c'est une phrase clé qui est analysée un peu en profondeur et qui sert d'empreinte biométrique pour te donner accès. Alors, les banques claironnent que c'est même plus sûr que les empreintes digitales. Eh bien, c'est pas certain du tout, parce qu'il y a quand même un journaliste de Vice qui a utilisé un service de clonage de voix en ligne pour le démontrer. Alors, il a cloné sa propre voix, il veut pas d'ennui avec la police. Mais après avoir créé son profil sur donc Eleven Labs, c'est le, on avait déjà parlé, je crois, hein, c'est un service de clonage de voix comme ça. Donc après, tout ce que tu peux faire, c'est juste, et tu écris une une phrase sur ton clavier, tout simplement, et après, tu l'as fait dire à ton double de synthèse. Et il a fait ça pour sa banque, tout simplement, en appelant sa banque. Il a fait parler son ordinateur, et la banque n'y a vu que du feu. Donc, ça aurait pu ne pas être son compte, tant qu'il y a la date de naissance et un enregistrement de voix de quelques dizaines de secondes, mais il aurait pu accéder à son compte exactement pareil. Donc, les IA de clonage de voix sont devenues tellement bonnes que les IA de reconnaissance vocale se font avoir. Donc, si les IA commencent à bafouer la loi, où va-t-on ? Mais heureusement, il y a aussi des IA qui la défendent. Donc, nous sommes sauvés. Et oui, le cabinet d'avocats londonien Allen & Overies a adopté ChatGPT comme assistant. Donc, son boss, qui s'appelle David Wakeling, a approché donc OpenAI et il a demandé un modèle customisé quand même, hein, voilà, customisé avec des pavés de textes juridiques. Il a ensuite mis ça à disposition de ses employés et puis bah, il a été plutôt adopté. Donc depuis fin 2022, l'IA a répondu à 40 000 demandes des 3500 employés de la firme. Un employé sur 4 l'utilise désormais tous les jours et il y a 80% qui l'utilisent de temps en temps. Donc d'autres grosses boîtes juridiques sont aussi en cours de test avec ce nouvel outil qui, faut bien le dire, finalement se prête pas mal à l'exercice. Parce que bon voilà, comme disait Steph, il y a des choses qui sont un petit peu chiantes à écrire. Hein. ChatGPT peut répondre directement d'ailleurs et éviter d'avoir à parcourir des centaines ou des milliers de pages de code, de jurisprudence, de dossiers. Moi ce genre de truc me donne le frisson, j'ai des maux de tête rien que d'y penser. Le droit, c'est pas fait pour moi. Il faut, voilà, je crois que je fais une allergie. Si je vois trop longtemps un code civil, je m'évanouis. Mais bon, ChatGPT peut aussi rédiger des textes administratifs. Hein, et voilà, et c'est turbo chiant, les textes administratifs. Enfin, je veux dire, c'est très standardisé. Donc, le fine-tuning, la customisation du modèle le rend plus pertinent quand même. Mais ça éradique absolument pas sa mythomanie. Hein. ChatGPT continue d'halluciner régulièrement. D'ailleurs, ça doit être très marrant. Ce modèle avocat, je pense que si tu le laisses faire, je suis sûr qu'il pourrait te pondre tout le script d'un épisode de Suits sans aucun problème. Ah. Mais bon, la consigne, c'est évidemment de tout lire, bien entendu. Les collaborateurs doivent tout relire. À un moment donné, une grosse bourde va passer à l'as quand même, c'est ouais. sûr. Et nous, sur Tech Café, on aura un sujet tout trouvé à vous relayer. Voilà, tu vois, c'est genre, il est condamné à cause d'une IA, il fait appel. Ou alors, relâché grâce à une hallucination de GPT, la famille Endini attaque OpenAI. Tu vois, je pense que c'est pour le mois prochain. Mais bon. Il semble que la profession dans son ensemble commence sérieusement à s'intéresser à la technologie. Certains sont quand même plus sceptiques que d'autres, mais bon, tout ça a géré des masses toujours plus atroces de textes dans un temps limité, donc avoir une machine pour au moins prémâcher le travail, c'est tentant, et d'ailleurs, nos propres magistrats, qui ont quand même fait grève en novembre dernier, ne cracheraient sans doute pas sur une assistance d'où qu'elle vienne. Bon après, entre aide et remplacement, c'est délicat, hein, si on en croit la plateforme Resume Builder, donc c'est un site pour faire son CV, qui a fait une petite enquête sur un millier d'employeurs, donc qui eux avaient un intérêt pour ChatGPT. Il semble que la moitié des boîtes en question ait déjà déployé le chatbot, et dans la moitié de ces cas, eh bien, ils auraient déjà remplacé des employés. À 66%, ChatGPT produit du code dans ses entreprises, 58% écrit du contenu, 57% il est utilisé pour le support client et 52% pour les comptes rendus de réunion et pour résumer aussi divers documents. Et apparemment, 89% des utilisateurs considèrent que le boulot de ChatGPT est bon ou excellent. Bon, après, on n'est pas sur de la littérature, hein, c'est du boulot administratif ou du code. Et pour ça, apparemment, bah, chat, il est tout à fait suffisant, il semblerait. Donc, suffisant pour remplacer combien de postes, du coup, bah, c'est toute la question. Juste pour répondre à ta question, en France, ça s'est pas répandu, mais en 2017 et 2018, je crois, il y a eu des expérimentations autour de l'identification des clients des banques côté banque postale, et je crois que ça a subtilement été retiré dans la foulée, donc à croire peut-être que la fiabilité était pas au rendez-vous, en tout cas pour les technologies qui étaient utilisées, mais en tout cas ça donne un petit aperçu, je pense. Et puis on va conclure cette rubrique, et puis on te laissera là aussi, honneur à toi Steph, opportunité soit de réagir aux sujets qui ont été listés, soit d'apporter un regard complémentaire pour conclure la rubrique. Mais tu voudrais nous parler, Guillaume, de Llama. Alors, en espagnol, c'est Llama, quelque chose, ça veut dire ça s'appelle quelque chose. Et tu voulais juste mettre en avant un petit modèle, Guillaume. Ouais, moi je dis Llama, hein, tout simplement. Ah, moi pour moi, c'est Llama, tu vois. En espagnol, c'est mes années d'espagnol au collège, c'est Llama. C'est ça, non mais puis voilà, c'est un aspect mec du sud. On parle peu de méta finalement et des IA, et quand on parle d'IA, c'est vrai qu'on parle assez peu de méta en ce moment, et c'est assez injuste parce que bah, déjà Galactica est aussi bon que ChatGPT ou Bard, hein, et voilà, et leur labo de recherche, bah, il est pas en reste, hein, sur le sujet, hein, en particulier sur les modèles de langage. Et d'ailleurs, c'est un groupe de chercheurs français qui vient de produire ce qui semble être une avancée quand même majeure dans le domaine, puisque leur bébé s'appelle donc, bon, Llama. Hein, Gamma. Avec deux L, deux L AMA. Et il semblerait qu'il soit meilleur que GPT-3 tout en étant 10 fois moins gros. Donc sa version la plus grosse soutient même la comparaison avec Palm, qui est encore plus énorme puisqu'elle est à 1640 milliards. Donc il est aussi encore 10 fois plus petit. Donc c'est extrêmement important parce qu'un modèle langage, donc, c'est vraiment très très gros, encore une fois. 175 milliards de paramètres, même si tu veux faire de l'inférence, ben, il faut au moins 350 gigaoctets de RAM en 16 bits, bon, rien que pour le charger, et puis ensuite il faut lancer les calculs sur cette masse énorme de nombres, donc ça consomme énormément d'énergie, ça coûte très cher, comme on l'a évoqué. Donc réduire la taille de 10 fois d'un modèle de langage, c'est aussi le rendre 10 fois moins cher à faire tourner, donc c'est aussi le démocratiser. Et bon, parce que voilà, pour l'instant, personne n'a la machine pour faire tourner GPT, Palm ou Chinchilla. Personne n'a un serveur avec 200 gigas de RAM, quoi. Donc, avec ces 13 milliards de paramètres, Llama tient sur une seule GPU. Bon alors, c'est une grosse GPU, hein, c'est un Tesla A100, c'est-à-dire un modèle professionnel quand même, enfin c'est inédit. Avoir un modèle de langage comparable à GPT-3 sur une seule de ces cartes, ça ouvre l'espoir que dans quelques années, chacun puisse avoir un modèle de langage surpuissant qui tourne en local. Comme un Stable Diffusion, chacun pourra utiliser ça et même entraîner ses modèles, etc. D'autant plus que Llama utilise des textes en accès libre. OpenAI et Google donc, utilisent des datasets perso-perso, hein, des volumes de texte qu'ils prélèvent eux-mêmes et qui d'ailleurs ne sont pas ouverts, alors que Llama, lui, s'appuie sur des bases de texte libres, donc il y a le command crawl, il y a les données provenant de milliards de... Enfin, le command crawl, c'est des données qui préviennent déjà de milliards de pages, et il y a une version filtrée qui s'appelle le C4. Et après, ils ont utilisé aussi GitHub, enfin, sous-ensemble de GitHub, Wikipédia, l'Archive, Stack Exchange et les livres Gutenberg Books, et en tout, c'est 4 teraoctets de texte, voire plus d'ailleurs. Donc Llama, c'est une architecture qui est relativement standard à base de Transformer, mais avec une combinaison d'optimisation, voilà, qu'ils ont un petit peu pêché un petit peu partout, hein, sur la fonction d'activation, sur les plongements, les normalisations, etc. En tous les cas, Llama aussi tire parti des tests qui ont été faits sur Chinchilla, dont j'avais un petit peu parlé, qui mettent en évidence l'intérêt d'entraîner sur un très gros volume de mots. Parce que même après avoir vu 1000 milliards de mots, certains modèles continuent de progresser. Et leur dataset, d'ailleurs, fait donc à peu près 1400 milliards de mots. Et donc, bah, et oui, c'est vrai que, et du coup, ils en ont fait. Donc, alors, Llama, en fait, c'est comme les slips, hein, les modèles de deep learning viennent en plusieurs tailles. Donc, ça va de 7 à 65 milliards de paramètres. Hein, et donc, le plus gros continue d'apprendre, même après 1400 milliards de mots. Et la version à 13 milliards de mots a encore un petit potentiel, même après 1000 milliards de mots. Et c'est cette version, d'ailleurs, qui bat dans toute une série de tests GPT-3, qui, lui, a 175 milliards de paramètres, mais qui a été entraîné sur, en fait, moins de mots. Et donc ça, c'est très encourageant, parce que ça veut dire qu'on a une grosse marge de progression sur ces modèles, et qu'en les optimisant et en les entraînant mieux et plus, on peut gagner énormément en puissance de calcul, en espace mémoire, à leur usage. Et aussi à leur entraînement, puisqu'évidemment, c'est beaucoup plus facile d'entraîner un truc à 13 milliards qu'un truc à 175 milliards de paramètres, vous imaginez bien. Et donc, Meta... En plus, rend ces modèles quasi publics. Alors pour l'instant, il faut remplir un formulaire pour les télécharger. J'espère que ce sera public tout simplement bientôt. Pour l'instant, c'est un peu réservé aux chercheurs. Le reste est sur GitHub. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de dire ce que ça voulait dire Llama. Donc Llama, oui. 2LAMA, c'est Large Language Model Meta AI. Donc Meta va essayer de revenir un petit peu dans le game, je pense, de l'IA. D'ailleurs, Zuckerberg a annoncé des outils dopés à l'IA pour WhatsApp, Messenger et Instagram. Ça pourrait inclure ce qu'ils appellent des personas. Donc sans doute pas les jeux d'Atlus, hein, rêvez pas, mais peut-être des chatbots qui pourront répondre à ta place, je sais pas où, avec qui tu pourras discuter, en tout cas des IA qui aideront les gens de multiples manières, je cite. D'ailleurs, pour conclure, de son côté, Snap aussi s'est lié avec OpenAI pour inclure un chatbot basé sur ChatGPT dans Snapchat. Alors pour les clients payants, dans un premier temps, ce sera pour les clients premium, tout ce dont on est sûr pour l'instant, c'est qu'il a un look dégueulasse. Voilà, il a des cheveux bleu fluo et une peau violette, et ça relativise la notion même de laideur. Tu vois, finalement, big du big deal, est-ce qu'il était aussi moche que ça, tu vois, on vit une époque de remise en question profonde, je trouve. comme dit Steph, quelle référence. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé de Bill du big deal. Écoute, Steph, à toi l'honneur. Est-ce que tu veux réagir sur ce nouveau modèle de Meta? Est-ce que tu veux réagir sur les arnaques potentielles, la politique ou tout autre sujet autour des mots? Alors écoute, je voudrais réagir, parce que c'est plutôt un retour d'expérience sur la partie productivité et IA, puisque Guillaume a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait des gens, en particulier du code, qui ont été évincés au profit de ChatGPT. Alors je l'ai testé moi-même, hein, ChatGPT, sur la partie code, en particulier en Python. je me suis rendu compte de pas mal de petites choses, en particulier produits du code absolument pas optimisés. Donc on est très souvent obligé de repasser derrière pour optimiser des fonctions. Il est très verbeux, hein, donc du coup il va avoir tendance à faire en 6 ou 7 fois la taille requise du code, ce qui peut être factorisé en 2-3 lignes. En Python, c'est assez facile à faire d'ailleurs. Et surtout, en fait, ça bug pas mal. C'est-à-dire que quand on crée juste une petite fonction assez simple, ça rend très bien. Mais dès qu'on lui demande de faire des choses assez complexes, finalement, le code produit n'est pas de très bonne qualité et on passe du temps à le débugger. Donc, pour moi, je trouve que ce n'est pas une aide véridique. Là où ça m'aide véritablement, c'est pour tout ce qui est documentation. C'est-à-dire que pour quiconque a déjà codé une fois dans sa vie, globalement, soit on sait faire, soit on va direct sur Google en espérant cliquer sur le bouton le fameux « j'ai de la chance » et que ça tombe dans les trois premiers résultats, la question qu'on se pose, soit on finit sur Stack à aller regarder les différents forums pour nous dépatouiller de la situation. Et en dernier recours, évidemment, on va s'éplucher les 4500 pages de documentation voilà, des différents modules. Là où je trouve que ChatGPT est véritable, une manne, hein, vraiment là-dessus, c'est sur l'accélération de la vitesse avec laquelle on a l'information quand on cherche quelque chose dans une documentation. Si par exemple, on ne sait plus comment faire telle implémentation de fonction dans la documentation, ou qu'on n'a même pas l'idée d'aller rechercher spécifiquement dans cette partie-là parce qu'on sait comment il faut faire, mais on ne sait pas quelle méthode il faut utiliser, ben là, ChatGPT, ça nous rend un service, alors pas toujours, hein, c'est pas toujours le cas, mais souvent, ça vend des services assez hallucinants où on va lui décrire en gros ce qu'on veut faire et il va nous dire, voilà, je pense que c'est telle méthode qu'il faut utiliser, moi je l'utilise comme ça. Dès que j'ai la méthode, le nom de la méthode, je me rends sur la documentation et là, pour le coup, j'ai toute l'implémentation de la méthode. Et pour moi, en tout cas, ça me rend des services phénoménaux pour ça. Absolument pas pour faire du code pré-mâché, parce que du coup, encore une fois, le code qui sort est pas fiable. Ce que je retiens quand même de ce que tu témoignes, c'est qu'on en est à une situation où on peut faciliter les choses, mais pas remplacer, sans doute pour des difficultés d'optimisation, de restitution, notamment du code généré. Je pense que c'est un exemple très concret. La question peut-être, Guillaume, à ce stade, c'est est-ce que cette différence et ce défaut, quelque part, dans ce qui est restitué aujourd'hui, que décrit Steph, est-ce que c'est de l'ordre d'un gros boulot qui va devoir être fait et ça va prendre très très longtemps, un peu si je prends la comparaison avec une conduite pleinement autonome des voitures? Bah avant qu'on arrive à régler les quelques pourcents qui posent problème, qui sont suffisamment fréquents pour être gênants, ça va demander énormément, énormément de temps si jamais on y arrive un jour. Ou est-ce que tu penses, allez, j'en sais rien, dans 3-4 mois, ça va être des trucs qui vont être réglés déjà ? Bah alors déjà, je pense qu'effectivement, le code qui est produit, probablement pas le meilleur code, mais peut-être que pour certains, dans certains cas, c'est suffisamment bon. Et peut-être qu'il y a quand même des gens qui utilisent ce code, bah évidemment, après l'avoir débugué, tu vois, mais même s'il n'est pas optimisé, peut-être qu'il suffit pour certains, quoi, déjà. Oui, je fais une petite parenthèse pour dire, il y a une personne qui témoignait l'autre jour du fait qu'il avait développé un plugin WordPress avec ChatGPT, sans coder dans l'absolu une seule ligne de code. Je crois qu'il a eu une petite adaptation à faire. Et c'était pour un besoin très, très ponctuel. Donc oui, je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que ça peut rendre certains niveaux de service. Il ne faut pas espérer avoir le code industriel le plus optimisé du monde avec, en tout cas. Après, est-ce que ça va évoluer ? Oui, ça va probablement évoluer. Déjà, je suppose qu'en raffinant les datasets, en mettant des datasets de meilleure qualité et en ayant des meilleurs modèles, on pourra déjà aller un peu plus loin. Et puis, on peut aussi imaginer qu'il y ait tout simplement des logiciels qui viennent après la génération de texte et qui s'occupent de contrôler le code. Je veux dire, tu vois, par exemple, tous les compilateurs optimisent le code qui est produit, tu vois, à divers niveaux d'ailleurs d'optimisation. On peut imaginer qu'il puisse y avoir aussi des programmes qui sont beaucoup plus basiques, c'est pas forcément des programmes d'intelligence artificielle, qui soient capables de recevoir un code, un programme un peu approximatif ou pas optimisé et de le pré-optimiser avant de te le présenter, tu vois. Ça pourrait être éventuellement possible. Trop bien, on continuera à parler d'IA, on en parle toutes les semaines, donc abonnez-vous à Tech Café. En attendant, on va se faire un petit apéritif MWC parce que cet épisode était bien trop court et on vous parlera plus en détail de tout ce qui... Non, mais très rapidement parce que allez, on a des petites choses quand même sympas et puis c'est toujours cool de les relayer. On commence avec des écrans roulables, Guillaume. Oui, non, mais très rapidement, effectivement, le NWC, il a commencé qu'hier, et puis bon, on n'a pas eu trois, là, on n'a pas trop le temps. Ce sera mieux de y revenir à tête reposée la semaine prochaine. C'est vrai qu'on a quand même vu des écrans enroulables qui sont assez sympas sur des téléphones et sur des ordinateurs, donc voilà, c'est assez marrant, tu as des... Donc des écrans qui s'agrandissent comme par magie, hein, presque, hein, un écran d'ordinateur qui a l'air standard comme ça, et qui devient, donc qui passe en mode, qui grandit comme ça vers le haut pour faire un truc en mode paysage, d'écran beaucoup plus grand, c'est assez sympa. Bon, on a vu aussi des trucs un petit peu plus rigolos, je trouve, un petit peu plus cocasses, comme des téléphones water-coolés. Donc OnePlus qui fait un téléphone qui apparemment est refroidi comme ça, enfin il y a quelque chose de très très très très sensuel comme ça, très joli comme ça dans le dos puisque ça palpite, on dirait, en bleu, c'est absolument magnifique. Et puis on a le Nokia aussi par exemple qui change de logo, et alors moi ça m'a fait marrer par contre parce que Nokia change de logo, bon pourquoi pas. Il lance aussi le G22, qui est un téléphone qui est vraiment marketé comme un téléphone écologique, tu sais, parce qu'il peut être démonté, tu peux le démonter, tu peux changer l'écran, tu peux changer la batterie, tu peux changer les ports, les caméras, etc. Et là, je me dis, mais comment on en est arrivé là? Je veux dire, ça s'appelle un smartphone normal, les gars. Je veux dire, un smartphone que tu peux ouvrir et dont tu peux changer la batterie, ça s'appelle un smartphone normal. C'est-à-dire, comment on en est arrivé là à ce qu'on puisse marketer un truc comme ça? Je veux dire, juste sur le fait que tu puisses l'ouvrir, quoi. Moi, ça m'hallucine. Mais bon, en soi, c'est bien. C'est juste qu'on en est vraiment arrivé à un mot. À des modes de fonctionnement et de fabrication qui clairement, on doit repenser. On aurait pu et se poser et se faire cette réflexion avec des annonces de Fairphone, mais. Oui, non, mais de toute façon, c'est clair. Hein, je veux dire, d'ailleurs, c'est un petit peu ce que c'est une sorte de Fairphone, mais low cost, on va dire. Et c'est très bien. Mais bon, voilà, on en dira beaucoup plus la semaine prochaine, évidemment, si vous avez vu des trucs qui vous ont marqué. Steph, est-ce qu'il y a quelque chose dans le MWC tel qu'il s'est déroulé là qui a retenu ton attention ou une remarque peut-être sur ces éléments? Non, pas particulièrement. Les écrans roulables, ça donne quand même sacrément envie, mais j'attends que ce soit complètement démocratisé avant de sauter le pas, j'avoue. Le water cooling sur les smartphones, non mais tenez-vous bien, c'est le futur, messieurs dames. C'est fou à quel point, vous voyez, au passage, je prends un tout petit peu de recul pour me dire, il faut qu'on mesure un petit peu ce à quoi ressemble un épisode de Tech Café cette année, à l'époque où quand même, quand le MWC arrivait, on était à l'affût quoi sur les infos. On a vraiment drastiquement changé de dimension d'infos avec l'intelligence artificielle, avec des sujets très concrets, et c'est assez remarquable de le relever, quoi. Ouais, enfin ça c'est cette semaine, hein, tu vois, la semaine prochaine on sera tout fou sur les gadgets. Hein, bah, t'y crois, franchement, t'y crois? On verra. Je suis pas sûr. On va voir que c'est toi qui fais le conducteur, donc tu pourras te donner raison, espèce d'escroc. Bah. Bon, très bien, allez, on va parler un petit peu de jeux vidéo. Steph, ça me plaît, ça m'intéresse vachement. Un petit retour sur un jeu en particulier, Octopath Traveler 2. Yes. Alors moi je vais vous parler très rapidement de mon retour d'expérience sur la suite d'un jeu qui est sorti il y a déjà 5 ans et que j'avais absolument adoré. Donc c'est en fait un JRPG au tour à tour classique, tour par tour pardon, classique, mais avec des combats assez dynamiques. J'ai testé la démo, compte tenu du temps que j'ai à disposition, j'ai quand même mis 10 jours pour faire 3 heures de jeu. Faut prendre ça aussi avec des pincettes. Mais au final, ce que ça a montré, c'est que c'est plutôt une évolution en douceur qu'une vraie remise à plat. Moi, j'ai absolument pas boudé mon plaisir. Hein. J'ai trouvé que c'était juste brillant dans la façon dont ils ont un peu réinventé le JRPG. Après, si vous aimez les JRPG à la Final Fantasy VI, mais vraiment très modernisé, et que vous avez 80 heures devant vous, allez-y, vous savez ce qu'il reste à faire. Quoi. 80 heures, tu te rends compte. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas d'enfants. Ou 2 ans, du coup. Alors j'en profite aussi pour faire un tout petit retour mais très rapide. Il y avait Horizon Forbidden West qui est inclus dans le PlayStation Plus Extra, qui est un sujet en soi, hein, d'ailleurs, parce que c'est un jeu quand même plutôt récent, et donc je l'ai lancé, et en fait je ne m'attendais pas à avoir une telle claque graphique. Visuellement c'est absolument magnifique et magistral. Bon, il y en a pour une trentaine d'heures, donc pour les mêmes raisons que ce que tu avances, Steph, je doute aller très très loin, mais une super session voyage et graphiquement quelque chose de très convaincant au passage aussi. Guillaume, du nouveau, du côté du rachat de Blizzard Activision King, avec des prises de parole côté Nintendo et Nvidia. On a de plus en plus l'impression que la bataille autour de ce rachat, c'est un duel entre Sony et Microsoft, et qu'il y a Call of Duty un petit peu au milieu, et donc Microsoft cherche les alliés pour démontrer qu'il n'est pas une menace. Voilà. Parce que selon eux, évidemment, c'est Sony la menace monopolistique. Hein. Et ça aboutit à des deals qui font des heureux, finalement, puisque Nintendo, par exemple, voilà, est sans doute très content hein, d'avoir l'assurance que les Call of Duty arriveront au même moment sur, sur ses consoles à lui que sur Xbox, et ça pendant moins de 10 ans. Bon voilà, ça fait du joueur potentiel en plus, et Nvidia doit être aussi assez content de son accord qui lui assure la présence de tous les jeux Xbox PC sur son service de streaming ouais. GeForce Now. Et voilà, donc si le deal se fait, ça inclura aussi d'ailleurs les licences Activision Blizzard, et donc concrètement ça fait pas mal de jeux ultra populaires en plus sur GeForce Now. Donc voilà, c'est un deal significatif d'ailleurs qui, parce qu'il permet quand même à un concurrent direct de son service de streaming de profiter de jeux qu'il exploite lui-même. Hein. Donc c'est un signe qu'il ne souhaite pas garder voilà, tous les titres exclusifs pour lui et verrouiller tous les utilisateurs chez lui. Avec Nvidia et Nintendo de son côté, donc il espère convaincre les régulateurs anglais qu'il ne va pas former un monopole, qu'il soit en tout cas qu'il soit mauvais pour les joueurs. Et il est aidé en cela quand même par la grosse avance qu'a Sony en termes de part de marché en Europe, puisque c'est dans les 80%. Et l'argument de Microsoft, bah, c'est que c'est Sony qui est en position de monopole et que lui, bah, voilà, c'est le chevalier blanc qui va venir lutter contre lui, hein, pour le bien de tous les joueurs. Voilà, j'ai une petite larme, c'est tellement beau. Je vais peut-être me réabonner au Game Pass, mais non, je vais pas faire ça parce que sinon je risque de jouer à Atomic Heart, je me connais. Et après, ça va faire très compliqué dans ma tête parce que ce jeu, bah, il sent le gaz et il sent le Gazprom même. Ouais, justement, Atomic Heart, tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'actualité un petit peu chaude à ce sujet, effectivement. Ben, la première fois que j'ai vu les images sur ce jeu, j'ai trouvé ça intriguant et assez cool. Hein. En fait, les bandes annonces qui montrent une sorte de croisement entre BioShock et Duke Nukem, mais le tout dans une ambiance soviétique fantasmée, ça m'a parlé vraiment. Hein. Mais bon, les premières images en fait qu'on a vues, c'était d'ailleurs en 2018 ou 2019, c'est-à-dire dans le monde d'avant, hein, dans le monde d'avant la guerre. Et le jeu, bon, il paraît que le jeu est assez bof et vulgos, mais bon, honnêtement, ça, je m'en fous, limite, bon. Mais le souci, c'est pas ça, c'est que Atomic Heart n'a pas l'air que russe, il est russe. Et il est disponible déjà en Russie et uniquement sur VK Play. VK Play, c'est une filiale du groupe, du groupe VK, dont le CEO est donc le fils d'un ponte du Kremlin. Il s'appelle Sergei Kirillenov. Un vétéran et collègue de Poutine hein, depuis des décennies, bon, ça peut paraître un peu lointain comme ça, mais le CEO du studio Moonfish, qui a créé le jeu, donc, a travaillé chez Mail.ru avant que ça ne devienne VK. Donc, ils sont, bon, voilà, Moonfish, en plus, est basé à Chypre, mais ça, c'est très récent, ça date de 2022. Il y a 3 ans, c'était sûr qu'ils étaient basés à Moscou, et en fait, ils ont déménagé il n'y a pas très longtemps, et comme... Voilà, comme d'autres entreprises russes, comme Moonfish a sans doute un staff international, c'est sûr, mais à la base, c'est un studio russe avec des employés russes et qui ont des familles russes. Et ça explique aussi peut-être leur positionnement pas franchement tranché sur la guerre en Ukraine, qu'on leur reproche abondamment. Et bon, parmi les investisseurs de Moonfish, on trouve donc Tencent et GEM Capital, et GEM, voilà, lui aussi d'ailleurs basé à Chypre. Mais bon, GEM, il a des liaisons avec Gazprom. Son fondateur a travaillé pour Gazprom dans les années 2010 et GEM Capital était encore impliqué dans le secteur de l'énergie russe en 2021. À quel point c'est encore le cas aujourd'hui ? Mystère. Du coup, c'est possible qu'une fraction de l'argent récolté par le jeu arrive de manière détournée, ou même par taxation, je sais pas, dans la poche du gouvernement russe. Mais c'est pas certain non plus, ce truc demanderait une enquête digne de la brigade financière pour être fixé, j'ai l'impression. Mais au-delà de ça, bon, il y a les symboles aussi. Hein. La glorification de l'URSS, bah, fût-elle une uchronie, passe pas en Ukraine aujourd'hui. Les robots hypersexualisés du jeu, d'ailleurs, ont la même coupe de cheveux que Lyulia Tymoshenko, donc la femme politique ukrainienne hein, qui a été figure de l'opposition au président pro-russe à l'époque. Bon, est-ce que c'est une provocation ou pas ? En tout cas, les Ukrainiens demandent officiellement le retrait de Atomic Heart, des Steam et Xbox et compagnie dans le pays. Ça se défend. Même si j'ai une pensée aussi pour ceux qui ont travaillé sur le jeu, hein, russe ou pas, c'est des codeurs et des artistes qui ont une famille et qui ont aussi le droit de vivre, quoi. Je suis sûr que tous ne sont pas partisans de la guerre en plus, tu vois. Et franchement, dans ces moments-là, je développe une vraie nostalgie des années 90-2000. Alors, c'est pas parce que j'étais plus jeune, hein, même pas. Pas du tout, parce que c'était complètement idyllique à cette époque, hein, même dans ma vie d'ailleurs. Mais ce qui est factuel, c'est que 90, c'est après 89. Et donc ça veut dire qu'on était après la chute du mur, on était en pleine réunification, tu vois, non seulement de l'Allemagne, mais du monde. La guerre froide, c'était du passé, la mondialisation était en marche, et avec elle, mais la paix mondiale, c'était même plus un objectif, c'était une nécessité. Tout le monde devenait interdépendant, tu vois, et donc tout le monde devenait collaborer. Des Russes et des Américains se sont retrouvés dans l'espace, on a lancé l'ISS, il y avait des profs russes qui enseignaient à des élèves ukrainiens dans les universités françaises, c'est ça moi que j'ai connu hein, dans ces années-là, et tous les pays s'ouvraient, même la Chine se mettait au libre-marché. Et donc c'est pas vraiment la Super Nintendo ou les téléphones à clapet ou les mini-disques d'Isabelle Boulay que je regrette le plus de ces années-là, finalement, c'est ce sentiment de réunification, quoi, de mondialisation optimiste, hein, qui s'est quand même vraiment éclaté au sol, hein, ces dernières années. Et aujourd'hui, voilà, je dois me faire des nœuds au cerveau pour savoir si je dois jouer à un jeu parce qu'il est russe, et ça, c'est... Ben, ça me rend triste, en fait. Steph, tu vas pas nous donner ton âge, forcément, pas tout de suite, mais peut-être que tu peux nous dire si ans. Toi aussi... t'es dur. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton cinéma? Toi aussi, t'es un peu nostalgique d'une époque révolue qui est trop rapidement effondrée? Décédé d'Isabelle Boulay. Oui, les mini-disques d'Isabelle Boulay. Tu m'as fait rigoler. L'histoire est un éternel recommencement, quoi. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre les affres des années les plus tristes de l'humanité, et ça recommence. C'est hallucinant. On devrait apprendre de nos échecs, mais manifestement, on est incapable de le faire. Donc, on repart sur des polarisations politiques très fortes, on repart sur des nationalismes, on repart sur, encore une fois, des montées de nationalisme, justement, comme je disais, avec des espèces de guerres froides qui se mettent en place. Franchement, ça n'a rien apporté de bon. Je vois pas ce que ça peut apporter de bon maintenant. Je sais pas. On va continuer à jouer pour oublier les problèmes. Ouais, on va continuer à mettre des pièces dans la machine pour continuer à jouer et oublier le problème, effectivement. Bon, écoute, on va mettre de côté ce sujet peut-être trop douloureux. Vous nous avez plombé l'ambiance, là, messieurs. Mais on va clôturer ce sujet. Et puis, on va remercier, évidemment, tous nos auditeurs de nous avoir écoutés pour cet épisode 311 de Tech Café. Vous avez une veille complète de l'actu tech qui vous permet d'être complètement calé sur les sujets phares du moment. Évidemment, ça passe par l'intelligence artificielle, mais pas que. Si vous voulez plus d'infos sur la tech et de l'info chaude, il faut vous abonner à Tech Café parce qu'il y a l'épisode supplément qui va arriver à la veille du week-end si tout va bien et si je ne me rate pas trop dans les mises en ligne. Et un petit peu plus tôt pour les personnes qui nous soutiennent sur Patreon. En attendant, on vous propose tout simplement aussi de nous retrouver à titre individuel. On va commencer par toi, Steph. Est-ce que tu peux peut-être nous dire si on peut et si oui, où on peut te retrouver? Alors, pour le moment, sur le Discord de Tech Café, l'intitulé Steph Sanson. Merci beaucoup, Steph. Rendez-vous sur le serveur Discord. Guillaume, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on me retrouve en position fétale sur mon canapé, en train d'écouter Isabelle Boulay les larmes aux yeux. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen de te réconforter d'écouter Isabelle Boulay. Je te laisserai juge là-dessus. On va laisser le suspense. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr, sur Discord et sur les réseaux sociaux Guillaume Vendée. En attendant, merci infiniment pour votre écoute. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict. Et de partager Tech Café dans votre entourage. On vous fait des gros bisous. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ouais, je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder. Oh, parle-moi.